Le Cercle d'études des étudiants de la Grande-Bretagne a présenté dans le numéro spécial de son bulletin « Étoile de l'indépendance » l'œuvre classique du général Kim Jong-il pour renforcer l'armée populaire et établir dans la société le climat privilégiant les affaires militaires avec une photo du général.